Radio Guémozo, ici Lia, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle édition de l'odeur du son, exceptionnellement aujourd'hui un mardi. Nous sommes donc le mardi 24 août et je suis en direct avec toi durant une heure. Mais que va-t-il se passer dans cette émission? Eh bien, des disques chouchous, mais pas n'importe lesquels, et tu vas vite comprendre. Mais surtout, eh bien, l'essentiel, comme j'aime le dire, durant cette période un petit peu particulière aujourd'hui, mon invité, Michel Petit-Demange, président de l'association Festi Euro Live qui propose le festival là-haut sur la colline. Bonjour Michel, comment ça va? Bonjour Lia, bonjour à tous les auditeurs. Ça va? Oh super, ouais, il fait beau. Oui, il fait beau. J'ai cru que vous alliez pas venir. Mais pas de panique, voilà. Je ne vais pas avouer le pourquoi de mon retard. Nous sommes en direct et puis voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Alors, on a tous entendu parler à un moment donné de ce fameux festival qui aura lieu cette année du 23 au 26 septembre, c'est bien ça? Eh oui. Et donc, on vous aime tellement qu'on s'est rapproché de vous, puisqu'on quitte la colline de Sion pour venir plus près du cœur des Vosgiens, c'est-à-dire, Épinal. Oui. C'est encore pas Remiremont, mais peut-être la prochaine fois. Ah oui, alors justement, ça m'a beaucoup intriguée. Je pense que je ne suis pas la seule à vous poser la question. Pourquoi êtes-vous venu sur Épinal? Alors, ça se touche au projet du festival. C'est un projet associatif d'abord. Hein. Oui. On n'est pas du tout des professionnels. On est plutôt, maintenant, avec la 9e édition, on a un peu de compétences, mais mais c'est pas notre métier. Oui. On est tous des bénévoles, ça je tiens à le préciser, mais c'est l'esprit dans lequel on s'inscrit évidemment, mais un esprit citoyen, c'est-à-dire qu'en fait on pose en même temps des questions de société sur la réflexion sur le vivre ensemble. Qu'est-ce qui nous fait vivre ensemble aujourd'hui où tellement de forces de fragmentation, de dissolution sont à l'œuvre. Oui. Hein, donc il y a pas mal de débats en ce moment. Alors on a un festival qui a, autrement dit, pose des questions à la fois de réflexion, mais en même temps dans un cadre festif. Donc c'est quand même pas simple à associer les deux. C'est vrai. Alors, en fait, on s'appuie sur un réseau et un certain nombre d'acteurs. On est une espèce de plateforme, de collaboration fédérative de tous les acteurs du changement dans notre société, parce qu'on est convaincu quand même qu'il faut changer. Alors, d'accord. Bon. Pas grand-chose d'original jusque-là. Ça fait partie de la vie depuis que le monde est monde. Le monde change. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des défis. On sent bien qu'on n'est plus tout à fait en adéquation. Donc, il y a des questions de fond. Et alors, donc, on a des contacts. Et un certain nombre de contacts, et les meilleurs contacts qu'on ait pu avoir, c'est dans les Vosges. Et bien sûr. Et c'est là qu'on a surtout développé. Alors, on a gardé, bien sûr, de contacts en Meurthe-et-Moselle. Et ils sont toujours maintenus. Mais, si vous voulez, on s'est rendu compte que le centre de gravité de toutes nos relations, avec qui on avait parti depuis maintenant la 9e édition, ils sont plutôt aux alentours des Vosges. D'accord. Voilà pourquoi on revient sur le centre de gravité des relations. Ça sera plus facile à mobiliser. À un tel point, d'ailleurs, qu'on est même un peu dépassé par l'événement, parce que jusqu'à présent, on avait à peu près une douzaine d'acteurs qui étaient avec nous. Là, on a été obligé même d'arrêter à un moment donné, puisqu'on a plus de 55 acteurs qui seront là, donc dans le parc du château, à Épinal. Voilà. Ouais, super. Alors on a ce défi d'être encore dans un environnement de nature, de verdure, comme on l'avait à Sion. C'était l'esprit. Pourquoi on était allé à Sion? C'était pour ça. C'était d'accord. À la fois le symbolisme historique. d'une première implantation, comme si on redémarrait quelque chose, et puis on voulait se mettre un peu à l'écart de la société, du courant, de ce qu'on vit habituellement, et on voulait aller dans un lieu inhabituel, un peu différent, complètement décalé presque à notre quotidien. Et là, on est encore dans le parc du château, quelque chose qui est pas mal et qui est bien, parce que on est quand même non pas dans un cocooning, mais on est dans quelque chose qui est un écrin de verdure et qui est sympa. Et puis on est toujours sur une colline. Oui, ah oui, ça c'est important, parce qu'autrement, ça change la donne. Il faut changer le festival après, le nom en tout cas. Oui. Et du coup, c'est facile de s'implanter dans un nouveau lieu ? Non. Voilà. Non, alors... Alors, la facilité, c'était comme les contacts. Donc, j'ai dit, on est 55. Là, c'est le côté, effectivement, qui est en vraie progression. Ce qui est moins, c'est qu'on vient dans un environnement déjà où tout le monde, bien sûr, a ses habitudes. Oui. C'est un parc. Il y a un parc animalier. Oui, oui. Donc, il va falloir cohabiter avec les animaux. Ça va être pour être concret, ça a été même presque une source de dire, non, on ne pourra pas rester. Ben oui. Alors, on nous a demandé. Et alors c'était un des travaux qui ont été accomplis pendant cette préparation, parce que on a toujours 2 ans entre nos deux festivals. Donc c'est ça aussi qui est pas simple pour nous à gérer, parce que quand on vient régulièrement, c'est plus facile à relancer la dynamique. D'accord. Quand on vient tous les 2 ans, on a l'impression qu'on est tout nouveau, quoi. Oui. Et bon, alors pour le coup on va être nouveau parce qu'on est à Épinal. Donc on a construit avec des jeunes un mur pour que les animaux ne subissent pas le trouble visuel et phonique du festival. Son. Voilà, un mur du son, mais aussi qu'il y a un mur d'expression. Ah, ça je m'en doute. J'imagine qu'il va être... Bien tagué, et bien coloré, etc. Et peut-être, il pourrait être complété par les festivaliers. Super, un vrai challenge, quoi, du coup, ce changement de lieu. Oui, entre autres, j'ai pris cet exemple parce que c'était... Et on a dû déplacer la scène, puisqu'on a pris une grosse scène professionnelle, chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent sur la colline de Sion, et on l'a mis dans le stade de la Colombière, de juste à côté. D'accord, voilà, ok. Donc, alors, on a des infrastructures qui sont un peu plus faciles à aménager. C'est une des raisons pour laquelle on est venu aussi, quand même, effectivement, sur Épinal, il faut l'avouer. Oui. Pour avoir des commodités d'aménagement qui sont un peu plus faciles. Oui. Mais comme vous l'avez bien deviné, il y a des avantages et des inconvénients. C'est certain, j'imagine, comme dans toutes les situations, au final. Oui. Petit aparté quand même, depuis quand êtes-vous président de cette association qui propose ce festival ? Ah oui, alors il n'y a pas trop de démocratie, hein, même si ça va être le thème. C'est le thème du festival, en fait, parce que je vais en parler un peu plus, mais je suis président depuis le début, parce je porte l'idée, du moins. Bon, après, c'est vrai que je n'aspire pas forcément à être président à vie. Donc, c'est quelque chose qui sera passé et à réfléchir rapidement. D'accord. Michel, en quelques mots, si vous deviez décrire ce fameux festival là-haut sur la colline, quel mot vous employeriez ? Oui, écoutez, je crois que c'est la joie de vivre ensemble. Oh, c'est beau. Voilà, je crois que c'est pas la peine de faire des grands discours, c'est tout ce qui peut nous redonner confiance, en tout cas, ce qui est notre constat, et puis constat banal, vous allez dire, mais on sent quand même qu'il y a un écart entre la spontanéité, la joie qu'on devrait avoir en tant que humain, dans un monde comme le nôtre, même si on n'a pas résolu les problèmes essentiels de l'existence, on a quand même des avantages et des moyens de le vivre autrement. Et je suis convaincu, et nous sommes convaincus, non pas par méthode couée, mais en disant on peut mieux faire. Oui, et c'est vraiment cette initiative-là qui est au sein de cette création de festival. Oui, c'est l'origine. Savoir comment on pourrait faire autrement et en parler ensemble. L'origine, c'est de dire qu'il y a une confiance véritablement profonde en l'humain. C'est-à-dire qu'il y a pour nous des gisements inexploités de bonté, de générosité, à condition évidemment que l'environnement, les moyens puissent être réunis. Et on peut comprendre aussi l'agressivité, les difficultés quand il n'y a pas le respect, quand il n'y a pas le dialogue. Vous savez, c'est valable pour toute relation, et que ça commence par la vie de couple, que ça soit la vie de société. Si vous n'avez pas des relations un peu vraies, un peu profondes, authentiques, bâties, construites, dialogue, parce que c'est un processus permanent. Oui. Et je crois que c'est ça qui, affecte notre société, c'est qu'il y a beaucoup trop de portes ou de murs qui se sont fermés, qui se sont bâtis, et que je crois que non pas qu'il faut les abattre tous, ils ont leur réalité, ils ont leur nécessité parfois, mais il faut quand même redonner un peu de confiance. Et c'est vrai que cet horizon, et on s'adresse particulièrement aux jeunes, vous le savez, c'est pas que les jeunes, mais c'est une priorité, parce qu'on joue plus sur la notion de mixité. Oui. Mixité sociale, mixité intergénérationnelle, donc il n'y a pas que les jeunes, mais on donne la priorité aux jeunes et aussi aux personnes affaiblies pour des raisons de circonstances dans leur vie, que ce soit mentale, psychique, éveillée, etc. Et des difficultés de vie, oui. Voilà. Oui. Donc sociale, oui. Oui. Alors, il y a quand même de grandes valeurs hein, au sein de ce festival. On le voit, on l'entend en tout cas quand vous nous en parlez. Culturel, humaniste. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore? Je crois que vous résumez, vous le résumez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que on est plus intelligent à plusieurs que seul. Oui. Et que, encore une fois, il n'y a pas des sachants et puis des gouvernés et des gouverneurs. Je crois que on veut redonner véritablement à chacun et rebâtir un monde où chacun peut trouver sa place. Voilà, c'est l'utopie hein, qui est la nôtre, mais franchement, il y a quand même des marges de manœuvre. Et je suis convaincu que l'intelligence, il y a une intelligence collective. C'est-à-dire que, quelque part, ça c'est autant l'individu est important, mais le danger, c'est que les individus sont de plus en plus isolés. Et oui. Donc, comment faire pour refaire qu'on se comprenne et en dialogue? Et c'est ça le fond du festival. Alors on va dire, ah, c'est un télo. Bah non, c'est... Mais c'est basique, mais oui. C'est boire un verre ou créer la cohésion. Créer la cohésion. Mais et oui. Je crois que les discours de comptoir, c'est toujours pas inutile. Et que quelquefois, ça peut générer quelque part une forme d'intelligence qui se transmet. Et puis elle est intuitive. On a tous un jour refait le monde avec d'autres personnes autour d'un verre ou d'un bon concert. Et ben là, c'est l'occasion de le faire de façon un petit peu plus poussée, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Je pense qu'on va se lancer tout de suite dans quelques sons qui sont bien entendu directement et bien sortis de cette programmation de ce festival là-haut sur la colline que vous pourrez découvrir du 23 au 26 septembre au Parc du Château et à la Colombière, comme vous venez de nous en parler. On va commencer par Frédéric Fromet, qui ouvrira la danse. C'est vrai. Mais là aussi, vous voyez, on se prend pas la tête. Hein. C'est vrai. C'est des textes assez... Ah oui, ça rentre dedans. On va commencer par mon téléphone. Et en chanson. Voilà, ça rentre dedans en chanson. Des thèmes un petit peu quand même d'actu, même si certains de ces sons datent un petit peu, mais pourtant ils sont indémodables. On va commencer par mon téléphone, parce que je pense que c'est quelque chose qui coupe les relations humaines, ce fameux outil du téléphone. Et là, si on laissait nos téléphones à l'entrée du festival et si on parlait avec les autres, tout simplement. S'en suivra Souad Massi, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Merci. Mon téléphone, je l'aime bien. Sans lui, je ne suis plus rien. Mon téléphone, c'est mon copain. Même si souvent ce salopio me fait passer pour un gros crétin. Je téléphone en faisant des emplettes. Allô Simone, je fais des emplettes. Y'a plus de yaourt à 0%. Est-ce que j'achète les cuissons à 1%? Toujours en ligne, arrivé à la caisse. Chérie, devine d'où je te parle, on progresse. Y'a devant moi une machine, une caissière. Et je l'ignore, j'ai autre chose à faire. Baver dans ce fichu bignou. Téléphone, je l'aime bien. Moi sans lui, je ne suis plus rien. Mon téléphone, c'est mon copain. Même si souvent ce salopio me fait passer pour un gros crétin. Je téléphone au pied de ton immeuble. Allô Simone, je suis au pied de l'immeuble. Je vais bientôt monter les escaliers. Tiens, y a des marches dans les escaliers. toujours en ligne, arrivé à l'étage. Chérie, devine d'où je te parle, c'est dommage. Nous allons bientôt devoir accrocher, car je me trouve devant ton palier. De quoi j'ai l'air à baver dans le biniou. Mon téléphone, je l'aime bien, moi sans lui je ne suis plus rien. Mon téléphone, c'est mon copain, même si souvent ce salopion me fait passer pour un gros crétin. Je téléphone dans le wagon du train, hein. Allô Simone, je suis dans le wagon du train, hein. J'ai rien à dire, mais l'idée n'est pas là. Je cause fort pour verger les voisins. Toujours en ligne, arrivé à la gare. Chérie, devine, tu ne vas pas me croire. Je suis à la gare et il y a plein de trains. Et il y a des gens qui montent dans les trains. Et moi, je bave toujours dans le biniou. Mon téléphone, je l'aime bien. Moi, sans lui, je ne suis plus rien. Mon téléphone, c'est mon copain. Souvent ce salopion me fait passer pour un gros crétin. Frédéric Fromet, Souad Massi sur les ondes de Radio Guémozo. Nous sommes avec Michel Petit-Demange qui nous parle de ce fameux festival là-haut sur la colline. Donc vous retrouverez forcément ces deux artistes au sein de ce festival, bien entendu. Oui. Alors pourquoi avoir choisi ces artistes? Pourquoi les avoir invités? Bon, parce que, bon, voilà, Fromet, on voulait que ce soit un artiste humoriste. Oui. Voilà, parce que, encore une fois, je l'ai dit pour rire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on veut prendre la distance et le rire aide. On veut des gens qui ont une certaine expérience. Et bon, Fromet, maintenant, oui. Je crois que c'est tous les vendredis, l'après-midi à France Inter, c'est la coqueluche. Il est maintenant très attendu. Et ce qu'il peut dire et prononcer, ben, ça fait réfléchir, c'est parce vrai. Que bon, alors même si c'est décapant, derrière ce côté-là, il provoque évidemment, vous comprenez, mais en même temps, ça génère une réflexion. Voilà, c'est ce qui nous a plu dans. Et puis alors, c'est un chanteur, donc oui. Comme on veut mettre quand même l'accent sur le chant pendant notre festival, encore une fois, parce que ça joue sur tout le corps et l'esprit. Vous voyez, le chant, c'est extraordinaire. Enfin, la musique. Ah, bien sûr. C'est pas à vous que je vais le dire. Bien entendu, musique égale langage universel, bien entendu, oui. Vibration. Souad Massi, c'était aussi par rapport, on l'a pas encore dit, mais à chaque fois, il y a un pays invité. Voilà. Et cette année, c'est le Liban. Oui. Voilà. Alors, on a la chance, effectivement, d'avoir le Liban. Alors, le Liban a été choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que même si on est un festival qui se dit européen, donc l'ambition, vous voyez, on a un gros melon. Hein. Donc, l'ambition est de dire, on ne se limite pas simplement à nos vallées. Mais on veut aussi interpeller et puis réfléchir parce qu'on a quand même des choses aussi, beaucoup de choses à partager avec les Européens. Oui. Mais on a été chercher un pays qui est un peu la jointure entre des mondes qui, sur le plan culturel et intellectuel, ne se comprennent plus très bien quand même, entre le Moyen-Orient. Autrement dit, et l'Europe, c'est pas simple. Hein. C'est vrai. Et pour nous, le Liban était intéressant pour cela, parce que il y a toujours des connexions fortes avec l'Europe. Oui. Hein, c'était la porte, on a toujours dit. Hein. Oui. Voilà. Alors, il y a la culture méditerranéenne qui nous plaît bien aussi, hein, qui fait partie de l'environnement européen. Donc, d'où Souad Massi. On fait le lien parce que c'est la culture qui est partagée autour de la Méditerranée et ses sonorités, ses sensibilités, cette sensualité et va plus loin encore pour nous toucher. Et le Liban enfin parce que le sujet du festival, le thème du festival va tourner autour des questions de démocratie. Ah voilà. Alors là, pour trouver un pays en ce moment complètement dézingué en termes de démocratie, on peut pas mieux trouver. C'est vrai. Alors, c'était pas volontaire au départ complètement, parce que en même temps, ils ont eu le mérite d'essayer de mettre en place des institutions qui essayent de faire cohabiter ou vivre ensemble des confessions irréconciliables et des extrêmes et des extrémistes. Ça a plutôt bien marché à une époque. On va dire, peut-être qu'il y avait de l'argent, peut-être pour ça, on cachait peut-être la misère. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais c'est, d'ailleurs, il y aura des débats sur le sujet. Mais en tout cas, le Liban aujourd'hui est complètement à HS, hein, si on veut parler directement. Et tant la classe politique, qui, à mon sens, a vraiment perdu pied, la société à l'heure actuelle, hein, on a des témoignages là qui sont terribles là-bas. La nourriture, même pour se nourrir, ça devient compliqué. Enfin, bon, l'ordinaire, hein, le quotidien. Oui. Et comment on peut voir comment un pays peut s'effondrer? Oui. Alors qu'il était un modèle véritablement à la fois institutionnel et puis de culture, une très belle culture, c'est extraordinaire. Et encore une fois, grâce au fait qu'ils sont cette jointure entre deux mondes ou qui sont pas toujours faciles pour se comprendre, parce qu'on a nos schémas chacun, notre cerveau il est constitué de schémas qu'on a d'apprentissage. Et c'est bien de dialoguer avec des. Donc le Liban était invité pour cela. Alors, on va lui laisser une place, une grande place. On va commencer là, d'ailleurs le festival le jeudi à 17h par un temps où on va honorer la paix. Ah. Alors, c'est parce que c'est ça qu'il faut, la paix intérieure, la paix aussi autour de nous, c'est ça qui compte. Et l'ambassadeur du Liban sera présent. Super. Et il va y avoir plantation d'un cèdre du Liban qui a 2 mètres. Voilà, il est déjà grand, il marche tout seul, mais on va le planter. et on va le planter dans le parc du château. Génial. C'est ça. Et on va avoir une prise de parole de l'association Vivre Ensemble, qui est intéressante parce que c'est une association qui regroupe des gens qui ont vraiment tout pour ne pas se retrouver ensemble. Oui. Mais qui dialogue, voilà. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Bien sûr, on n'a jamais imaginé qu'on nous avait attendu pour dire, voilà, on va réunir les différences. Il y a des associations qui font ça, pas au quotidien, mais de manière assez régulière. Et donc, c'est eux qui ont un peu les clés du camion, là, pour ce temps. Voilà, ouais, avant l'inauguration officielle, qui sera à 17h45, 18h. Oui. Et de prise de parole, évidemment. Mais il y aura aussi la présence d'un commissaire européen. Mais ça nous éloigne du Liban. Alors avec le Liban, il y aura une place du Liban. Il y aura, vous pourrez goûter aux pâtisseries, à la cuisine Super. Libanaise, à la aussi une artiste, une exposition sur le Liban. Et puis il y aura, alors ça c'est la marque de fabrique de notre festival également, hein, c'est des espaces paroles. Ah. Espaces paroles. Et alors là aussi, changement par rapport à Sion. À Sion, on en avait quoi, 4, 5, 6 à peu près. Là, on en a 26. Ah oui. Vous voyez un peu, on change de dimension. Incroyable. Mais on est dans un esprit, non pas de conférence, hein. On est dans un esprit d'espace-parole. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y aura des ateliers, et puis on pourra venir en stabulation libre. Super. Dialoguer avec des personnes qui introduiront un sujet, mais où tout le monde pourra y participer. Alors, on sera sur des ateliers qui seront donc pendant tout le temps, donc on va dire du vendredi jusqu'au dimanche à 11h, où là, il y aura le temps de conclusion. De ce temps de fermentation, on va appeler ça comme oui, ça, oui. De dialogue, il y aura eu des grandes oreilles qui seront à chacun de ces ateliers, et on va laisser les jeunes. Ça sera l'agora des jeunes citoyens européens, vont retenir 10 ou 12 propositions concrètes, précises et je dirais atteignables. C'est-à-dire qu'en fait. on n'est pas là pour, lancer des comètes ou des engins sur la Lune ou je ne sais quoi. C'est pour qu'on soit concret sur ce que les jeunes. Et c'est pour ça qu'on laisse là. Mmh. Alors là, par contre, les jeunes, c'est eux qui choisiront. Et après, on verra ce qu'on a. Parce que l'esprit du festival, c'est que c'est pas un but en soi, le festival. Le festival, c'est un temps de rencontre, mais qui renvoie vers d'autres chantiers. Hein. Oui. C'est ça l'esprit du festival. Et donc, ça nous donnera certainement de la matière à poursuivre ce travail pour que dans 2 ans, on continue à aller plus loin et qu'on fasse des propositions concrètes, atteignables, précises. Il y a eu des évolutions depuis tous ces festivals au fil du temps avec ce genre de propositions, de réflexions qui ont abouti à quelque chose. Oui, je crois que justement, si j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'on parte trop loin dans les nuages, c'était parce que justement, peut-être qu'on a été trop généraliste, oui. Peut-être qu'on n'a pas été assez précis et que le travail que j'évoque là n'a pas été assez fourni. D'accord. Je crois que c'est effectivement un apprentissage et on se rend compte que là, je ne peux pas dire que ça va bien marcher, mais on a fait, par exemple, on a participer à une réflexion sur le plan européen. On a fait un rapport qui a donné 90 propositions. Mais c'est autant dire que ça sert à rien. Oui. Je veux dire, trop de propositions tuent les propositions. Oui, donc, oui. Donc on veut se rassembler. Voilà. D'accord, super. Ben ça va vraiment être un grand moment. Moi, j'ai hâte d'y être. Hein. Ah ben forcément, ouais, je vais venir vous voir. Ouais. Forcément. On a parlé donc de ce premier temps qui aura lieu le jeudi 23 septembre. Hein. C'est là que le festival commence. Mais en ouverture du festival, je vois quand même qu'il y a une projection du film 12 France qui aura lieu le mercredi 22 septembre à 20h au cinéma Palace à Épinal et avec le collectif Réseau d'être que l'on embrasse et la boîte à films qui vous invite donc à cette projection suivie d'un échange. À 20h, hein, c'est 20h le mercredi parce qu'il y a eu des erreurs sur certains documents de communication. 20 donc heures. C'est 20h. S'il n'est pas là, c'est effectivement, c'est Douce France. Ouais, super. Est-ce qu'on doit s'inscrire pour participer à... Alors, il y a une plateforme pour s'inscrire parce que je crois que ça va conditionner la salle, la taille de la salle. Bien sûr. Donc, si vous venez, l'intention de venir, il faut le faire en pré-inscription. Okay. Sinon, c'est 4€ en pré-inscription, voilà. Super, super. Alors, il y a quand même un vrai fil rouge, hein, on l'a compris. On a parlé quand même du Liban, ce fameux pays invité cette année. Mais le thème, c'est où vas-tu demain? Ouais. Donc, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger. Là, c'est le fil rouge. Et, De ce thème découlera des conférences aussi. Alors des espaces-paroles, hein, parce que c'est différent de conférences, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui donc est moins formel et plus participatif. Donc il y a également un village des initiatives. Ah. Alors avec des rues. Super. Des superbes rues, il y a 5 rues qui autour de l'agriculture, l'agroécologie, autour de la citoyenneté, etc. Enfin bon, donc il y a différentes rues et c'est là où je disais, nous avons été vraiment surpris et par la dynamique et la présence de 55 structures associatives ou d'entreprises également et quelques artistes qui vont d'ailleurs bâtir une œuvre artistique pendant le festival, sur le thème du festival « Où vas-tu demain ?» Ah, super. Voilà, donc effectivement, les trois axes, vous les avez maintenant perçus, hein, des axes de débat, des axes de rencontres plus interpersonnelles autour du village et des initiatives pour ceux qui sont les acteurs du quotidien. Et puis, il y a bien sûr l'aspect festif, le bar. Oui, bah, c'est important, c'est important. Le bar, il faut aller au bar, il faut aller manger. Et puis, les concerts. Et bien sûr, on va d'ailleurs continuer. On aura des concerts d'ailleurs qui seront dans le village des initiatives. D'accord. Il y a aussi des groupes, des petits groupes qui ne seront pas dans le programme. Oui. Et dis tout de suite que tout ça est gratuit, sauf les concerts du soir. D'accord. Ok. Donc les concerts du soir, ce sont lesquels? On en parlera peut-être après. D'accord. Je vois qu'il y a quand même une place au local parce que Mehdi sera présent sur place. Oui, c'est ça. Qu'on aime beaucoup. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres... Des groupes, il y a les groupes. Alors, je ne sais plus leur nom. Le nom m'échappe. Alors là, voilà, c'est Gros Blanc, qui sont des artistes à Épinal, et qui sont plus du festif, qui sont de l'ambulatoire. D'accord. Voilà. Super. On écoute tout de suite Mehdi avec ce titre Merci, et on continuera avec Sinsimilia qui sera aussi présent sur le festival là-haut sur la colline, quand même. Des grands noms. Très bien. Oui. On voulait des gens qui ont des choses à nous dire. Oui, eh ben c'est réussi. Allez, à tout de suite. Et je pars de la maison, le cœur bohème. Maman ne me retient pas, je suis ton petit garçon. Je m'en vais faire de beaux rêves, je connais toutes mes leçons. Et je pars de la maison, le cœur qui saigne. Maman ne me soigne pas, j'ai appris comment faire pour guérir mes contusions. Mais j'ai pas appris à vivre sans toi, je t'aime. Merci. Si je suis l'âme que je suis, c'est grâce à toi. Tu mérites bien plus que ces mots, car toutes mes réussites, je te les dois. Maman, j'ai plus beaucoup de bobos, mais j'ai toujours autant besoin de toi. Je prie le bon Dieu pour qu'il ne te fasse jamais partir avant moi. J'ai pas toujours été le fils modèle, j'ai souvent fait n'importe quoi. J'ai honte de chacune de nos querelles, Dieu merci, y'en a pas l'état. Je ne saurais jamais te rendre l'appareil, mais je t'aime plus que tu ne le crois. Je suis pas le genre à faire de longs poèmes, alors je préfère chanter pour toi. Merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Et je pars de la maison, le cœur bohème. Maman ne me retient pas, je suis ton petit garçon. Je m'en vais faire de beaux rêves, j'ai bien appris toutes mes leçons. Et je pars de la maison, le cœur qui saigne. Maman ne me soigne pas, j'ai appris comment faire pour guérir mes contusions. nous a donné plus que tout et ça même quand tu n'avais manqué rien. Quand on t'appelait au secours, t'étais la première à calmer nos chagrins. Et tu te levais chaque jour pour que l'on puisse encore se sourire demain. Maintenant c'est à notre tour de devoir te rendre tout ce qui t'appartient. Je quitte la maison et tu sais maman, je ne serai jamais très loin. J'ai gardé les clés de chez nous, je veillerai toujours à ce que tout se passe bien. Je serai présent pour tes vieux jours et je t'aimerai jusqu'à demain. Ton fils qui t'envoie son amour parce que tu le vaux bien. Merci. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Et je pars de la maison, le cœur brûlé. Maman ne me retient pas, je suis ton petit garçon. Je m'en vais faire de beaux rêves. J'ai bien appris toutes mes leçons et je pars de la maison, le cœur qui saigne. Maman ne me soigne pas, j'ai appris comment faire pour guérir mes contusions, mais j'ai pas appris à vivre sans toi. Et je pars de la maison, le cœur brûlé. Maman ne me retient pas, je suis ton petit garçon. Je m'en vais faire de beaux rêves. J'ai bien appris toutes mes leçons et je pars de la maison, le cœur qui saigne. Maman ne me soigne pas, j'ai appris comment faire pour guérir mes contusions, mais j'ai pas appris à vivre sans toi. le style, c'est pas le discours des médias, car les gens parlent de l'air, mais disent n'importe quoi. Y'en a même qui comparent ça à la coco ou au coca. Pourtant, l'air n'a jamais tué en France, les médecins vous le diront, même si le nombre de consommateurs s'élève à plus de 4 millions. Ailleurs, on fume depuis des générations sans que l'on constate le moindre problème dans la population. Alors, si c'est pas du mic pour te parler de ganja, jeune homme, écoute, ça c'est pas le discours des médias. Well, si c'est pas du mic pour te parler de ganja. Je tire une taffe. J'avale. Wow, you say. Et repart à l'attaque pour dire que l'alcool chacun est une déchaîne par milliers. Moi j'avais moins de 10 ans à lâcher au supermarché, mais c'est dans notre culture. Répondre aux certains français, mais va dire ça à la femme de l'alcool qui te prend une raclée. Alors c'est criminel, il n'est pas celui qu'on croit. Franchement, le vrai criminel pour moi, il vend l'alcool et le tabac. Je te parle pas du supermarché, je te parle de l'état qui vend le cancer et la cirrhose des chers, ces fumeurs de ganja. Emilia sur les ondes de Radio Guémozo, je suis obligée de couper hein, parce que cette émission elle passe à toute vitesse. Et voilà, on a encore envie de dire des choses. Cinz Emilia que vous retrouverez sur le festival le samedi 25 septembre. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la programmation? Oui, alors donc bon, on a commencé par Fromet, c'est le jeudi, qui est précédé par une conférence sur le thème Où vas-tu demain? Oui. Il y aura Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre de la Culture, qui sera là donc pour donc parler de l'aspect culturel de Où vas-tu demain. On verra bien ce que une personne comme elle va pouvoir donc susciter comme débat. Mais surtout dans cette période si délicate, parce que voilà, les ministères de la Culture ont beaucoup à faire là pour redonner cette place justement. Oh là là, oui. Voilà. C'est tendu. Donc ça, c'est pour le, effectivement, le jeudi, le vendredi. Donc on commence à 20h, on termine vers minuit et demi. Donc il y a Pang, c'est un groupe donc qui essaye de faire passer aussi des messages. C'est un groupe rock qui vient de Belgique. Waouh, super. Voilà. Donc voilà, c'est la petite surprise des invités européens, même si ça a été difficile. Soit de Massy, on en a parlé là tout à l'heure, je crois que on va pas les présenter. C'est la Méditerranée. D'accord. La culture méditerranéenne, mais aussi elle a tous les thèmes de société qu'elle évoque avec sa sensibilité. Et puis alors on va faire un bon temps de fête après Mbappé et ses prophètes qui est paradoxalement plus connu en Scandinavie. Vous savez qu'il fait déplacer plus de 5000 à 7000 personnes. Oui. Et là je pense que ce sera 10 000, mais mais on va battre le record. Hein. On va faire mieux que les Scandinaves, non, je crois. Ah ben, j'imagine. Non, alors Mbappé, c'est les musiques du monde. Il est camerounais, il a la pêche, c'est effectivement la culture musicale des autres des autres pays. Il l'a assimilé dans son être, et je trouve dans sa musique, elle est bien traduite. Super. Et puis alors le samedi, trois temps encore. Mehdi, voilà, on est content de l'inviter. C'est vraiment le local et il fallait l'honorer. Oui. Un jeune de 24 ans, hein, quand même. Et très talentueux. Bravo. Et autodidacte, surtout. Autodidacte. Enfin, c'est ça qui est extraordinaire. Avec un mélange. Avec une qualité. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est aussi des challenges comme ça qui peuvent amener à faire évoluer hein, des artistes. Oui. Bon, Iseult, on l'avait pris pour le côté, je dirais, iconoclaste. Oui. Provocateur sur certains aspects. Alors, c'est un tempérament. On va voir comment on va gérer son tempérament. C'est un challenge, comme tout le festival, Challenge. Mais bon, elle a une superbe voix, quand même. Et puis, quelque part, quelques messages. Donc, dans cette mixité de culture qu'elle porte. Oui. Et puis, Cinz Emilia, je crois qu'on va arrêter de les présenter. Ah, je crois qu'ils sont archi connus. On les a pris surtout pour l'aspect festif, qu'ils savent communiquer, mais aussi ce professionnalisme, quand même. C'est quand même, ils arrivent à se remettre en cause. Ça reste des ados éternels, quoi. C'est ça. Et c'est ce qu'on aime chez eux. Oui. Voilà, ça nous fait, ça nous rappelle de bons souvenirs. Alors, j'imagine que la préparation de ce festival, quand même, a dû être assez ardue avec toute cette situation. Comment vous vous êtes dit à quel moment on y va? Oui, alors ça, c'est bonne question. Alors habituellement, d'abord, on était en juin. Alors pour des raisons d'arrivée sur Épinal, car les propositions culturelles, événementielles sur Épinal, c'est quand même un peu plus fourni que la colline de Sion. Donc oui, il fallait trouver notre place. Donc la petite place qu'on nous a faite, c'était à ce moment-là du 23. C'est pas l'idéal parce qu'on aime bien travailler avec les jeunes, mais les jeunes là, ils sont plus à la rentrée que dans la sortie. Donc c'est pas facile de les mobiliser, mais on va tout faire pour que ça marche. Et puis on va être sur un festival qui va se retrouver sur le problème de la pandémie, sur le problème du pass sanitaire, va se retrouver sur le problème des gens qui n'acceptent pas le pass sanitaire, il y en a qui l'acceptent. Bon, alors on s'est reposé encore hier soir la question, est-ce qu'on continue, on continue pas? Beaucoup baissent les bras, puis on s'est dit nous, c'est un projet associatif, encore une fois. Ce qui est important pour nous, c'est d'être un signe positif. Oui. Et donc, si nous, on abandonne, on prend des risques financiers, certains. C'est un budget de 380 000 euros, même précisément. Donc, comment peut-on faire face si on a 30% du public qu'on attendait? C'est sûr. Voilà, c'est notre inconnu, mais grâce à Radio Gemozo, je crois que je serai rassuré là maintenant. Vous allez pouvoir venir nous rejoindre et soutenir. Mais surtout, le plus important, c'est pas nous, quoi. Oui. Le plus important, c'est le message qu'on porte. Oui, c'est sûr. Je crois que nous, à la limite, on disparaît et on n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on crée un moment où on se dit, mais on redémarre et on redémarre la machine. Et quand bien même ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on croit. Je comprends bien. En tout cas, on vous envoie plein de force et on sera là auprès de vous pour durant ce festival que j'ai hâte de découvrir cette fois-ci au parc du château. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bénévoles. Combien vous êtes là de bénévoles? Alors bon, habituellement, on est à peu près 150 bénévoles. Donc sur le festival, sur le moment du festival, dans la préparation, beaucoup moins. Oui. Et pas assez. Ça, j'imagine. Donc là, il y a de la place, on est prêt à accueillir les bénévoles. C'est clair qu'il y a besoin de beaucoup de bénévoles parce que ça fait aussi partie de l'esprit. On se retrouve dès le lundi et on bâtit le festival ensemble. Super. C'est ça qui est intéressant et avec tous des groupes multiples et variés. Alors c'est cela que je vous disais, c'est plus difficile de mobiliser des jeunes dans cette période puisqu'ils sont rentrés pour la plupart d'entre eux. Alors que quand on était sur la colline de Sion fin juin, il y avait des groupes de jeunes qui étaient déjà libérés et qui venaient nous donner le coup de main pour monter le chapiteau, etc. Entre autres. Mais surtout passer un bon temps ensemble. Mais parce oui. Que c'est le moment où on apprend à se connaître. C'est vrai. Et c'est le temps essentiel parce que vous voyez. L'esprit dans lequel on s'inscrit, si nous, on ne le vit pas, on ne va pas pouvoir le communiquer. C'est vrai. On ne va pas pouvoir le transmettre. Donc, c'est impératif de pouvoir le communiquer. Alors, c'est pas réussi, c'est pas toujours génial. On est comme dans toute famille. Mais l'esprit est là. Je crois qu'on a vu que c'était gratuit dans tous les sens du terme. Oui. Un festival axé aussi sur la jeune génération, vous nous le disiez tout à l'heure, mais vraiment intergénérationnel, on insiste sur ce terme quand même. La future génération, c'est un petit peu la clé quand même de notre future société, donc c'est très important qu'ils ouvrent grand les yeux et les oreilles et qu'ils s'expriment, surtout parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ces jeunes, et ça nous fait du bien. Oui, et puis c'est une banalité, mais on est dans un monde qui se transforme tellement rapidement. C'est vrai. Que eux n'ont pas toutes les clés parce que c'est pas qu'il faut balayer l'histoire. Le passé est important aussi, mais c'est eux qui perçoivent quand même là où il faut aller. Oui. Je crois qu'ils ont une sensibilité, et c'est pas qu'intellectuel, c'est tout leur corps et leur esprit qui parle là. C'est vrai, ils le vivent. Alors, ils vont pas le faire avec des mots, ils vont le faire avec du graphe, ils vont le faire avec du hip-hop, ils vont le faire avec différentes modes d'expression. Et donc, on a un grand chapiteau dans lequel il y aura justement des jeunes qui vont se produire et qui vont, sous forme d'atelier, ils ont écrit un film au mois de juillet, ils ont fait un film du côté de Gérardmer sur le message, et puis ils ont aussi interrogé un certain nombre de personnes sur Où vas-tu demain ? Et donc, ils ont déjà travaillé, hein, pour le. Et puis, il y a des pièces de théâtre, il y aura de la danse, il y aura des chants, etc. Enfin, ils ont prévu d'animer cette agora où on retrouvera aussi un salon du livre, on retrouvera buvette et de quoi se restaurer. Donc, on le comprend, hein, le festival, ce n'est pas que les concerts, bien entendu, ils sont très importants et voilà. On a vraiment hâte de découvrir ces artistes, mais il y a des temps forts tout au long de ces journées pour voilà, avoir une place à la parole, écouter, échanger, etc. Et ça, c'est très sympathique. C'est ça. Je vois même spiritualité, jeunesse et Europe vers un monde nouveau. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous disais qu'on s'adresse au tout de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, on a souvent pensé qu'il y avait le corps, il y avait l'âme, il y avait l'esprit. Voilà. Bon. Pour nous, c'est un tout. C'est un tout. Il y a eu déjà cette notion de spiritualité dans d'autres festivals. Oui. Il me semble que celui d'il y a deux ans. Oui. C'est, moi, je dis bravo. Il y a même médias et démocratie, vers quelle évolution? Oui. C'est intéressant. Il y a tout. Alors, effectivement, il y a quatre axes. Hein. Il y a les médias, il y a l'égalité, donc, qui sera présente au travers d'un travail d'une sociologue qui a été dans les maternelles faire une étude approfondie et qui montre que déjà l'inégalité et l'égalité sont en jeu à ce niveau-là. Déjà à cet âge-là, oui. Et puis, il y a l'écologie, autour de tout ce qui est débat d'écologie. Et puis, il y aura le monde économique, parce que souvent, on a les altermondialistes qui sont là, et puis il y a le monde économique, les méchants, alors il y a les bons, les méchants, etc. Nous, on met les bons, les méchants dans la même cage, et on crée ce qu'on appelle un paradis, où le lion et l'agneau vivent ensemble. Waouh ! Mais c'est tellement bien dit que j'aimerais finir sur cette parole. Je souligne quand même la présence du label Human, qui est récemment venu dans les studios de Radio Guémozo avec notre animateur Chris, et c'était une très belle rencontre. Donc voilà, si vous voulez retrouver l'intégralité du programme de ce festival, eh bien ça se passe sur le site internet par exemple, www.laosurlacolline.fr. Exact. Pas de piège. Il y a également une page Facebook. Voilà, on peut encore... Instagram, etc. Voilà, parfait, tous les réseaux sont concernés. Oui. On peut encore acheter ses billets. Oui, bien sûr, sur le site, vous pouvez y aller, mais sinon, il y a la Fnac, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a tout, j'ai pas signé. Excusez-moi, la pub. Ça va. J'arrête. Mais à coup pas. Bon, les modalités d'accès, on s'en doute, il faut le pass sanitaire ou au moins être reconnu négatif pour venir sur les lieux, suppose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent quand même si, oui ou non, il faut le pass. Il y a encore des personnes qui se posent la question. Là, vous pouvez y aller avec le pass ou si vous vous faites dépister sans problème. On aura un stand pour le dépistage. C'est intéressant de le dire. Oui, c'est important. On va donc avoir un stand pour dépistage sur le site lui-même. Super, comme ça, pas besoin de se prendre la tête avant. C'est ça. Ça peut se faire sur place. Oui. Merci beaucoup, Michel. Merci pour votre invitation et puis au plaisir de vous retrouver. Oui. Et bravo pour votre émission et votre belle dynamique. C'est gentil, merci beaucoup d'être revenu. On aurait aimé que cette émission dure beaucoup plus longtemps, mais on espère que l'on a dit l'essentiel. En tout cas, je pense que le message est bien passé. On va finir par Iseut, au lieu de mon générique, qui sera présente également sur le festival, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ce son Rien à prouver. On embrasse bien fort toute l'équipe du festival. Qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Eh bien, du soleil, dans les cœurs. D'accord. Du soleil dans les cœurs. Allez, du soleil dans les cœurs. À vous, auditeurs, je vous souhaite une très très belle journée avec ce beau soleil qui vous attend. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en. Si vous avez repris le travail, plein de force. On se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous et puis prenez soin des autres. Allez, kiss. Au revoir. Yeah. Le ventre vide, rien dans les poches. Pas un rond pour acheter le succès mérité. Combien ont tendu la main, pas un proche. Artiste aigri, en perte de vitesse, avide de gloire, de reconnaissance. Ils m'ont fait perdre mon adolescence. D'après mon père, je vendrais mon huc. Je ferais la pute dans le coin d'une rue. Maman était là et le grand frère aussi. Tout le monde était là mais personne n'a rien dit. De maison de disques en maison close. Toujours les mêmes parties de fesses. La main africa qui est hyperisée. Je bouge mon boula pour enfuir leur caisse. De regret, vivre à crédit pour éponger mes dettes, serrer les dents pour que tout ça s'arrête. Je me voyais déjà en haut de la fiche. La réalité me rattrape au réveil, la réalité me chuchote au réveil. Au petit matin, j'ai quitté le nid, pris mon envol petit à petit. Je suis tombé 100 fois, j'ai su me relever. Devant le miroir, j'ai su me retrouver. Et devant le miroir, je me suis retrouvée. Et devant le miroir, je me suis retrouvée. Ainsi va ma vie.